Donc bonjour à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise et des RH sur un sujet brûlant d'actualité puisqu'il s'agit de la préparation du retour des salariés en entreprise. Ce retour est prévu par le gouvernement normalement à partir du 9 juin, un petit peu, enfin plus qu'avant, mais on rentrera dans les détails avec notre invité. Donc quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique. C'est également un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats, ainsi qu'à une équipe de juristes qui répond à vos questions par téléphone. Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Amine Flissi, avocat au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir partagé. Merci. Donc nous avions mis, comme d'habitude, à votre disposition un formulaire qui vous permettait de nous remonter vos questions. Donc nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, deux collègues, Alice et Alexandra, qui sont juristes, sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration de l'outil de webinaire. Et normalement, c'est une petite icône avec une petite bulle ou une petite main, ça dépend des versions du programme. Si vous souhaitez, enfin, si vous avez vraiment besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Flissi. Vous voyez ses coordonnées à l'écran. Donc, n'hésitez vraiment pas à le contacter pour de plus amples informations. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions pour cette webconférence et nous vous en remercions. Elles ont été regroupées sous différentes thématiques. Tout d'abord, la dernière version du protocole sanitaire qui est arrivée fort heureusement hier. Ensuite, nous aborderons la consultation du CSE, puis l'accompagnement des salariés pour leur retour dans l'entreprise. Ensuite, nous parlerons de la vaccination et des tests. Et enfin, je vous présenterai rapidement une étude de la DARES qui a été publiée en fin de semaine dernière. Donc, commençons tout d'abord avec la dernière version du protocole sanitaire. Et parlons d'abord du calendrier. Quel est le calendrier établi par le gouvernement à propos du retour des salariés? Alors, concernant donc le calendrier, il est peu ou prou, il correspond aux orientations nationales qui ont été édictées par le président de la République dans la presse régionale dans un premier temps, et puis par la dernière loi relative à la sortie donc de l'état d'urgence. La première étape, c'était celle du 19 mai, avec la publication d'un premier protocole sanitaire en entreprise, avec peu de modifications en fin de compte, hein, sauf pour certains secteurs d'activité donc qui devait justement reprendre au 19 mai, les musées, les HCR, donc les hôtels, cafés et restaurants. La prochaine étape importante, c'est celle du 9 juin. 9 juin, on aura l'occasion d'y revenir hein, plus en détail. Donc nous avons été surpris avec Madame Victor justement hier soir, assez tard, avec la publication d'un nouveau protocole sanitaire qui entrera en vigueur à compter du 9 juin. Et donc c'est sur ce protocole-là qu'on va pouvoir échanger et j'espère vous éclairer un peu plus sur les mesures à mettre en place pour le retour des salariés. Très bien. Donc effectivement, oui, hier, le ministère nous a gâtés puisque nous avons eu la dernière version du protocole sanitaire officiellement, même s'il y avait déjà eu des fuites dans la presse auparavant. Il nous précise bien effectivement qu'il ne s'appliquera qu'à partir du 9 juin. Pouvez-vous nous rappeler les principales règles à respecter et nous dire quelles sont les nouveautés de cette dernière version? Alors, les principales règles, elles sont aujourd'hui plutôt bien connues des entreprises. C'est le respect des gestes barrières, notamment. Mais la mesure phare hein, sur laquelle on a beaucoup discuté, c'est surtout la mise en place du télétravail pour les activités qui étaient télétravaillables. Ça a posé un certain nombre de questions nouvelles pour certaines entreprises qui n'étaient pas pourvues d'accords collectifs ou de normes, en tout cas, pour la mise en place de ce genre de dispositif. Le retour, après, il s'est fait en fonction des métiers. C'est pour ça que le ministère du Travail a eu l'obligeance de publier donc des fiches par métier et par secteur d'activité. Mais grosso modo, c'est les règles de distanciation sociale, de respect des gestes barrières, de mise à disposition des EPI auprès des salariés les plus exposés, la mise en isolement donc des salariés les plus vulnérables, notamment sur les indications médicales. Et ça, c'est une nouveauté hein, de cette année, je crois depuis février, sur les indications médicales du médecin du travail, donc qui peut édicter des certificats médicaux pour la mise en isolement de certains salariés particulièrement exposés parce que vulnérables, selon une liste qu'on aura l'occasion, je crois, un peu plus loin de détailler. Concernant les nouveautés. Les nouveautés, elles sont pas si nombreuses que ça. Si on prend en compte le protocole donc applicable à compter du 9 juin, c'est surtout l'assouplissement du télétravail. Le télétravail donc pour les activités qui peuvent répondre à ce dispositif ne sera plus obligatoire. On pourra prévoir un retour sur site pour les salariés donc volontaires sur la base du volontariat, un nombre de jours par semaine, donc plus important. Donc assouplissement du télétravail. Pour autant, on n'est pas encore à l'application pure et dure des normes conventionnelles en termes de télétravail. L'ANI, donc l'accord national interprofessionnel qui a été négocié en fin d'année dernière, ne sera pas à proprement parler encore applicable au 9 janvier, mais il tend progressivement à s'appliquer avec une mise en application au niveau des entreprises. On le verra encore une fois plus loin selon quelles modalités en fonction des infrastructures. Très bien. Alors, il y a également une nouveauté enfin, qui personnellement me tient à cœur en tant qu'élue de CSE. Et ça rejoint aussi certaines questions qui nous ont été envoyées par des RH. On va pouvoir retrouver des moments de Oui, convivialité. tout à fait. Alors, ça sera limité à 25 personnes. 25 personnes. Donc moi, je voyais vraiment des moments de convivialité détente. On se retrouve entre collègues, Ouais. mais certains responsables des ressources humaines posaient des questions sur des Ouais. team building à organiser. Donc plutôt en extérieur, dans la limite de 25 personnes, le protocole sanitaire l'autorise désormais. Ouais. Dans le Et ministère. exactement, donc c'est vraiment juste pour rebondir sur ça, donc c'est la communauté de travail qui va être reconstruite au fur et à mesure, et ça c'est très important parce qu'on aura un retour progressif de l'entreprise d'ici au 30 septembre. Tout à fait. Alors, le ministère du Travail a également publié hier, décidément, il a été très prolixe en documents, le nouveau protocole pour les restaurants d'entreprise. Et là aussi, il y a des assouplissements, pardon. Tout Quelles à sont fait. les nouvelles règles? Alors, les règles phares donc d'assouplissement, puisque c'est la tendance, hein, c'est tout d'abord la suppression de la distanciation sociale en restaurant d'entreprise de 2 mètres minimum entre chaque convive. Ensuite, on a également la suppression de cette fameuse jauge qui a posé tant de problèmes de 8 mètres carrés par convive, ce qui va permettre de regrouper donc des tables de déjeuner à 6 personnes, ce qui n'était pas possible avant. En revanche, Concernant les repas donc à privilégier, c'est-à-dire les repas à emporter, ça, ce sont des mesures donc qui restent en vigueur. Si on peut mettre en place des paniers repas à emporter, il vaut mieux le privilégier donc pour consommation sur le poste de travail ou en extérieur. Ça a été maintenu pour l'instant. Je pense que ça évoluera avec les différents taux d'indice hein, pour la propagation du Covid. Mais pour l'instant, c'est maintenu. Concernant donc la capacité totale de réception en restaurant d'entreprise, elle est toujours réduite à 50% des capacités d'accueil. Ça, ce sont des mesures qui restent en vigueur. Très bien, merci. Alors, une question que nous a envoyée un chef d'entreprise également qui est un petit peu angoissé par rapport à ça. Donc, avec la fin d'état d'urgence sanitaire, on commence une période transitoire prévue jusqu'à la fin du mois de septembre. Et au cours des débats autour de cette loi, une régionalisation des mesures sanitaires a été évoquée. Donc la loi a désormais été publiée il y a 2 jours et cet employeur se demande si des mesures régionales sont à craindre quant aux normes sanitaires dans les entreprises. Alors, à proprement parler, la philosophie donc, du texte de loi pour la sortie de l'état d'urgence ne prévoit pas une régionalisation, une territorialisation donc, systématique des mesures mises en place. En revanche, il existe bien une disposition dans le texte de loi entré en vigueur le 2 juin dernier qui prévoit la faculté pour le ministère donc, de la Santé, pour le ministre de la Santé, de déléguer la mise en application de certaines mesures au préfet de région. Certaines mesures, donc, on imagine bien, ça sera édicté en fonction de l'état de propagation du Covid dans certaines régions et certains secteurs d'activité. On pense surtout au secteur touristique qui va connaître une affluence, bien évidemment, avec la période estivale. Donc, en fonction de ça, effectivement, le préfet de région aura la possibilité d'édicter des mesures de mise en application. Et ça, j'insiste, ce ne sont pas donc des mesures générales qu'il va pouvoir édicter, mais des mesures qui sont limitativement donc énumérées par le texte de loi. Notamment la possibilité donc de réglementer les déplacements, restreindre l'ouverture au public de certaines activités et certains établissements avec la possibilité de prononcer la fermeture de certains établissements. On imagine bien que certains secteurs, bah, il faudra être particulièrement vigilant, tout ce qui est culturel, hôtel, café, restaurant également, on a un risque de fermeture en cas de si la situation nous échappe. Donc sur ça, il faudra être vigilant. Et il y a également, dernière mesure dont on a beaucoup entendu parler, c'est la mise en application du pass sanitaire. Le préfet aura la possibilité de prévoir des situations dans lesquelles le pass sanitaire sera exigé pour accéder à certaines activités ou certains établissements. Voilà, donc pas de régionalisation à proprement parler, mais une possibilité avec l'aval du directeur de chaque ARS concerné. Très bien, merci beaucoup. Comment informer maintenant les salariés des mesures sanitaires qui sont applicables dans l'entreprise? Alors, concernant l'information des salariés, si on reprend le protocole sanitaire, le dernier qui a été actualisé au 9 juin, l'information, elle se fait d'abord de manière individuelle. Nous aurons l'occasion de parler des travaux de l'ANACT, qui prévoit donc une information individuelle avant la reprise de travail pour chaque salarié. En pratique, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, on l'imagine bien. Et à mon avis, dans certaines situations, il faudra prévoir surtout un affichage donc dans des lieux aisément accessibles qui correspondra aux unités de travail dans chaque entreprise, ou bien alors une sensibilisation auprès des managers pour pouvoir faire des points sur les mesures d'organisation de la reprise et les mesures préventives auprès des salariés. Un point hebdomadaire devrait suffire Il sera à acter, bien évidemment, par écrit pour se prémunir et avoir la preuve que les mesures de prévention ont bien été mises en place, notamment par l'information collective et individuelle des salariés. Très bien. Et effectivement, sur le site Jury Travail, vous pourrez également trouver des panneaux d'affichage qui sont disponibles justement pour informer les salariés sur le port du masque, le lavage de mains et la distanciation sociale. Mes collègues vous envoient le lien par chat. Une dernière question sur cette première thématique. Quel risque encourt un employeur si aucune mesure sanitaire n'est prise dans l'entreprise? Alors, si aucune mesure sanitaire n'est prise dans l'entreprise, c'est assez inquiétant. D'abord, mais il faut rester raisonnable et écarter le risque pénal. Je précise le risque pénal du point de vue des infractions prévues par le code pénal et non pas celles qui sont prévues par le code du travail. Je pense notamment l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, l'homicide involontaire, etc., qui devrait s'appliquer dans des situations très marginales et après que des circonstances dramatiques aient lieu. Il n'en reste pas moins que les risques, donc, d'un point de vue administratif et civil, existent bien. D'un point de vue administratif, on aura une action très importante des inspections du travail, qui sont déjà sensibilisées et qui ont déjà commencé d'ailleurs à procéder à un certain nombre de contrôles dans les entreprises. Avec la possibilité donc de prononcer des sanctions administratives après mise en demeure, bien évidemment, et après avoir recueilli les observations de chaque entreprise, de l'employeur en tout cas, d'une sanction administrative à hauteur de 4 000 euros donc par infraction et par salarié concerné, ce qui peut très vite chiffrer. Par ailleurs, nous avons également des dispositifs qui sont mis à la disposition de l'inspection du travail, tels que le référé civil, qui va permettre à l'inspection de demander au juge, donc au juge judiciaire, toutes les mesures licites, notamment la fermeture partielle ou totale de l'entreprise ou de l'activité. On pense notamment à certains rayons qui ne seraient plus en tout cas considérés comme indispensables, comme on a connu par le passé, et qui seraient fermés, pour pouvoir protéger les salariés le temps de mettre en place les mesures sanitaires, les mesures de prévention. Donc le risque, il est bien réel. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et voilà, selon le protocole sanitaire, on peut s'appuyer sur l'action des ANACT et on aura l'occasion d'en reparler des ARACT au niveau local. Très bien, merci beaucoup. Et les élus ont également un rôle à jouer. Si le protocole sanitaire n'est pas respecté, un droit d'alerte peut être émis. Et au niveau de la consultation, une consultation est-elle nécessaire, enfin, une consultation du CSE, pardon, est-elle nécessaire pour préparer le retour des salariés? Et sur quel sujet? Alors, à mon sens, la consultation du CSE, elle est bien nécessaire sur le retour des salariés pour la simple et bonne raison que le retour des salariés va s'accompagner d'un aménagement important. Donc des conditions de travail, des conditions de santé et de sécurité. Et pour cette raison, ça relève bien de la prérogative du CSE. CSE plutôt avec des prérogatives étendues, hein, plus de 50 salariés, mais dans les entreprises donc de moins de 50 salariés, il n'y a pas de raison de ne pas consulter le CSE pour des raisons aussi de bon sens. Et il faut, et ça c'est repris donc dans toutes la documentation officielle, hein, que ce soit par le ministère du Travail ou l'ANACT, il faut associer les élus donc aux mesures de prévention et à l'organisation des conditions de travail en amont, parce que moi je considère d'abord que c'est un vecteur de communication auprès des salariés. Ce sont les élus qui vont pouvoir relayer aussi les bonnes pratiques et vérifier leur bonne mise en place aussi. Donc, ça sera important. On a vu dans le cas notamment de Amazon, les élus ont été un petit peu mis de côté et ils ont très rapidement réagi avec un référé qui a abouti, notamment sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Et ça, pour moi, c'est le sujet principal, même si la doctrine, elle est partagée sur ce point, hein, sur la consultation en cas de mise à jour du DUR, il faut consulter le CSE en priorité sur ce thème et donc sur les conditions concrètes de modification des conditions de travail et les risques qu'elles vont induire auprès des salariés en termes de santé et de sécurité, notamment les risques psychosociaux, hein, et des salariés qui ne sont plus revenus en entreprise depuis plus d'un an et il faut les réentraîner au travail et les aider, les accompagner dans cette nouvelle organisation. Donc ces sujets-là, il faut les aborder en consultation, en information consultation avec le CSE. Très bien, merci beaucoup. Alors, je complète juste un tout petit peu vos propos et c'est aussi par rapport aux questions qui sont posées. Le protocole précise également que les employeurs doivent négocier à partir du 9 juin un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Et Madame Borne a précisé lors d'une interview qu'elle considérait que s'il n'y avait aucune négociation réalisée quant à ce nombre minimal de jours de télétravail, elle considérait que le protocole sanitaire n'était pas appliqué. Et pour les internautes qui nous écoutent, qui relèveraient de la fonction publique, pour eux, le nombre de jours de télétravail a été fixé, il sera de 3 par semaine, ce qui donne aussi des éléments de négociation pour le privé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. À minima, les mesures donc sur le télétravail, elles vont être déclinées en concertation avec le CSE et avec toutes les normes conventionnelles par la suite. Oui, tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de l'accompagnement des salariés pour le retour. Et c'est une responsable des ressources humaines qui nous avait fait parvenir cette question. Faut-il prévoir une visite médicale pour le retour dans l'entreprise? En effet, dans certaines de nos entreprises, certains salariés ne sont quasiment pas venus depuis un an. Ouais. Alors, il n'y a pas de règle donc, qui imposerait une visite médicale systématique pour tous les salariés. Mais bien évidemment, il y a des salariés qui se trouvent dans des situations particulières, notamment d'isolement, depuis une période qui commence à être longue, hein, aujourd'hui, depuis plus d'un an parfois. Donc, pour ces salariés-là, je ne peux que recommander, si notamment il y a des signes précurseurs de difficultés à revenir en entreprise, à reprendre contact avec les collègues de travail, etc. Il faut, à mon sens, organiser une visite médicale en concertation avec le service de santé au travail. Ça permet donc de se prémunir en cas d'action en manquement à l'obligation de sécurité, tout simplement. C'est un point qu'on aura l'occasion d'aborder plus en détail, mais c'est un point névralgique de toutes ces mesures. Mais aussi, c'est bénéfique pour l'entreprise parce que la médecine du travail va pouvoir mettre en place un certain nombre de recommandations pour accueillir dans de bonnes conditions ce salarié. Il y a également des salariés qui se trouvent de facto dans des situations particulières, notamment les salariés qui sont suivis dans le cadre d'un suivi renforcé, des salariés qui étaient en accident du travail, en arrêt de travail. Donc pour accident du travail ou maladie simple de plus de 30 jours, ou maladie professionnelle également, et c'est un cas donc spécifique au Covid-19, notamment pour les personnels soignants qui ont contracté cette maladie. Et pour eux, il faudra bien prévoir une visite médicale pour pouvoir juger de leur compatibilité à occuper leur poste et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réadaptation, de reclassement, etc. Donc, pas de règle générale, mais il faut faire attention aux cas spécifiques, notamment les salariés avec un suivi renforcé et les salariés en arrêt de travail. Et puis, je pense, enfin, à titre personnel, que les salariés qui n'ont absolument pas envie de revenir, parce qu'ils ont peur de revenir, une visite auprès d'un médecin du travail peut, les aider à revenir plus Exactement. sereinement. Tout à fait. Donc, vous en avez déjà un tout petit peu. Alors, non, pardon, j'allais zapper une question, excusez-moi. Donc, toujours dans le même esprit de préparer le retour des salariés, un entretien individuel avec chaque salarié est-il à prévoir avant ou après le retour sur site? Alors, j'avais un petit peu anticipé effectivement cette Oui. question. J'en suis désolé. Mais si on prend en compte la documentation de l'ANAC, il faut effectivement prévoir un entretien individuel donc avant le retour de chaque salarié. Ça peut être le RH ou le manager, bien évidemment, le responsable d'équipe, pour pouvoir justement avoir un retour d'expérience de la part des salariés qui sont restés sur site, qui ont suivi l'activité, et pouvoir sensibiliser les salariés qui reviennent. À la nouvelle organisation de travail. Il faut, bon, en pratique, très sincèrement, dans certaines entreprises, ça ne sera pas faisable, clairement, parce qu'on ne dispose pas des infrastructures pour ça, du personnel pour ça. Il faudra, je pense, passer par la hiérarchie, par les responsables d'équipe et les managers pour sensibiliser les salariés au moment de leur retour. Avec un temps de préparation, il faut s'accorder une semaine, 2 semaines pour se réadapter au travail. Et voilà, ça devrait bien se passer dans ce cas de figure. Très bien, et c'est ce que recommande l'ANACT Ouais. et à ce sujet, enfin pour préparer le retour des salariés. Il y a un dispositif, je crois, qui est prévu. Ouais. Oui, alors l'ANACT a mis effectivement à disposition des entreprises de moins de 250 salariés un dispositif d'accompagnement gratuit qui permet d'avoir un entretien téléphonique avec l'employeur donc une personne qualifiée de l'ARACT, qui est la déclinaison donc de l'ANACT au niveau régional, et qui permet de faire le tour des mesures concrètes à mettre en œuvre pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un service de ressources humaines important, conséquent. Donc, toutes les entreprises de moins de 250 salariés peuvent s'appuyer sur le travail de l'ARACT pour les accompagner dans ce cadre, de façon Ça gratuite. s'appelle Objectif Reprise et c'est, Ouais. enfin, vous pouvez y accéder sur le site de l'ANACT, de l'ARACT. Il y a également un Ouais. lien présent sur le ministère, enfin sur le site du ministère du Travail. Ouais, il y a un numéro de téléphone, je crois aussi, qui permet justement de prendre contact avec l'ANACT et les ARACT. Alors, vous avez un petit peu évoqué le sujet, mais on a eu des questions aussi dans ce sens-là posées par nos internautes là à l'instant. Des mesures particulières sont-elles à prévoir pour les salariés vulnérables? Que faire pour les salariés mis à l'isolement par la médecine du travail? Une visite à la médecine du travail est-elle vraiment impérative? Et puis, certaines personnes souhaitaient savoir ce qu'il y avait lieu de faire avec les femmes enceintes également. Alors, pour définir rapidement, hein, les personnes qui sont considérées comme vulnérables, il faut se reporter donc au décret du 10 novembre 2020, qui a un petit peu modifié une première liste qui était plus étendue, avec des conditions moins strictes. On a notamment donc les salariés qui présentent une comorbidité, des salariés âgés de plus de 65 ans. Et justement, donc les femmes enceintes qui sont à leur troisième trimestre. Donc ces personnes-là sont considérées comme vulnérables. Elles bénéficient en principe du dispositif donc de l'activité partielle parce qu'elles ont été mises en isolement soit par leur médecin traitant, le médecin de ville ou la médecine du travail. Dans le protocole donc actualisé à ce jour, il y a un statu quo pour ces salariés. En cas d'impossibilité donc de mettre en place les mesures de protection renforcées En présentiel, on les maintient en activité partielle. Il n'y aura pas de retour en entreprise pour ces personnes-là. En termes de mesures de prévention, on peut prévoir un bureau individuel où la limitation du risque est garantie, notamment via un écran de protection ou l'aménagement des horaires. Une vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port de masque, mais ça, ce sont des mesures qui sont après tout générales. Absence ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage des désinfections de ce dernier au moins en début et fin de poste. Donc ça, ce sont des mesures qui sont renforcées pour les personnes, les salariés vulnérables. Un mode de déplacement également domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières. Grosso modo, si on peut les maintenir encore en isolement et en télétravail, on le fait. S'ils disposent encore de la prescription, du certificat de mise en isolement, soit du médecin traitant, soit de la médecine du travail, il faut les maintenir en activité partielle. Le dispositif d'activité partielle est encore à l'actuel, il est actuel, hein, il a été prorogé, au moins, je pense, jusqu'au 30 septembre. Donc, il faut le mettre à profit pour ses salariés. Très bien, merci beaucoup. Alors, et là c'est pareil, il y a beaucoup de questions qui arrivent un petit peu sur ce sujet-là. Peut-on imposer aux salariés un certain nombre de jours de présence par semaine dans les locaux de l'entreprise? Quelle attitude adopter si le salarié refuse et que risquerait un salarié ayant refusé de revenir sur site? Alors, sur le premier terme, imposer, c'est pas tant le sens, la philosophie du dernier protocole et des différents textes de loi, et encore moins de l'ANI, de fin 2020. Imposer, non, c'est une concertation qui doit avoir lieu notamment avec les élus. La norme de mise en place du télétravail dans les circonstances actuelles, et qui sera bien évidemment pérennisé, hein, on n'imagine pas un retour à la normale par la suite. La norme, elle n'est pas encore, comment dire, arrêtée. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer par une concertation informelle, par un accord atypique avec le CSE, lorsqu'on ne peut pas mettre en place un accord collectif complet, un accord d'entreprise notamment. Donc, ça passera par une concertation avec le CSE, pour prévoir le nombre de jours de présence par semaine adéquat en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de chaque unité de travail. Il n'y a pas de jours imposés, mis à part dans la fonction publique, où à titre indicatif, on a 3 jours par semaine. À titre indicatif, c'est certainement ce qui sera imposé. Et à mon sens, ce sera une bonne indication aussi pour le secteur privé comme vous l'avez si bien relevé, Madame Victor, tout à l'heure. Donc 3 jours par semaine, c'est très bien. C'est toujours sur la base du volontariat concernant le retour sur site, ce qui permet de répondre à la suite. On peut pas sanctionner, à mon sens, un salarié qui refuserait un retour sur site ou l'application du télétravail. Chaque situation fera l'objet d'une étude particulière, en fonction notamment du passé disciplinaire du salarié, entre autres, mais aussi de la situation de l'entreprise, des mesures mises en place, parce que je ne vois pas un employeur qui ne mettrait pas les mesures, notamment celles prévues par le protocole sanitaire, mais qui par ailleurs exigerait le retour des salariés sur site. Il pourrait pas se fonder sur le refus du salarié de bénéficier du télétravail pour le sanctionner. Si l'ensemble des mesures sont mises en œuvre et qu'il y a une concertation avec le CSE et que le salarié refuse l'application de la norme collective, à ce moment-là, on pourra envisager une sanction. Alors là, on a beaucoup d'employeurs, enfin trois précisément, qui posent exactement la même question. Qu'en est-il des TPE quand il n'y a pas de CSE? Alors, pour les TPE, on peut toujours négocier, hein. Négocier avec les salariés directement et Exactement. même chose pour les entreprises qui n'ont pas de CSE. Le dialogue social, c'est le dialogue entre l'employeur et les Exactement. salariés. Le CSE est l'intermédiaire. En l'absence de Tout à CSE, on fait. dialogue directement avec les salariés. Vous êtes d'accord Tout à avec fait. ça? On dispose d'un large panel, hein, dans toutes les entreprises aujourd'hui pour négocier, même en l'absence de CSE, même en l'absence de DS. Donc, il est tout à fait envisageable de négocier avec un salarié donc, qui serait mandaté et de passer par un référendum par la suite pour valider l'accord conclu entre l'employeur et ce salarié. Donc, Et les et salariés. il faut vraiment s'emparer de cette possibilité pour négocier un accord sur le télétravail, plutôt que de passer par un document unilatéral qui ne serait pas concerté et qui serait moins accepté, en tout cas par les salariés dans les TPE. Tout à fait. Et du coup, vous anticipez sur la suite, Ah. puisque là, enfin, c'est une situation inverse qui Ouais. nous avait été soumise. Le cas où bah, il y en a, enfin, il y a beaucoup d'activités, on s'en est rendu compte à l'occasion de cette crise sanitaire, où en fait, on pouvait être totalement en télétravail et complètement en autonomie. Est-ce que ce nouveau protocole sanitaire impose un retour sur site quand les activités sont totalement télétravaillables? Et puis, autre question qui nous avait été soumise également, c'est comment pérenniser le télétravail dans nos entreprises, avec et sans délégué syndical, avec et sans CSE, mais ça, vous avez un petit peu répondu déjà. Oui. Alors, pour répondre donc à la première question sur les activités qui sont télétravaillables, on peut exiger un retour des salariés sur site à plusieurs conditions. Si les mesures concrètes, donc notamment celles énumérées par le protocole sanitaire, ont été mises en place, en concertation avec les IRP, donc les représentants du personnel, et s'il existe donc une norme, quelle qu'elle soit, hein, même si on n'aboutit pas à un accord à proprement parler, même si on a un accord atypique avec le CSE ou une note de service, ça fera office de norme collective et il faudra l'appliquer. Bien évidemment, elle sera opposable à chaque salarié qui ne pourra pas, dans cette mesure-là, encore une fois, sous ces conditions, refuser un retour sur site. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, je regarde un petit peu l'heure. Il nous reste un peu plus de 5 minutes pour la dernière partie. Il va falloir aller, enfin, les 2 dernières parties, il va falloir aller un peu vite. On terminera peut-être avec quelques minutes de retard et je m'en excuse par avance. Donc, à propos des tests et de la vaccination, donc déjà, enfin, le protocole sanitaire évoque ces sujets-là. Peut-on, et juste une question qui nous avait été envoyée, peut-on demander des tests PCR réguliers aux salariés? Alors, on va être rapide, hein, sur cette question. On ne peut pas exiger donc des tests PCR des salariés, tout simplement parce que ils n'ont pas été rendus obligatoires par le gouvernement. Dans cette mesure-là, on ne peut pas exiger d'un salarié qu'il réalise un test avant son retour en entreprise. Mais bien évidemment, sur la base du volontariat et pour reprendre les termes du protocole sanitaire, on peut tout à fait mettre à disposition des salariés des autotests avec l'appui donc du service de santé au travail. Donc ça va concerner un certain nombre de situations qui sont, je pense, assez marginales. Mais de manière générale, on ne peut pas exiger d'un salarié qu'il réalise un test PCR Et encore moins régulier ou exiger, les résultats de ce test PCR. bien évidemment. Nous rappelons les principes sacrés Ouais. du secret médical. Ouais. Alors, autre question, et c'est amusant parce que dans le chat, on vient de nous la poser également. Ah. Peut-on demander à nos salariés s'ils sont vaccinés ou non? Alors, le ministère du Travail a répondu à cette question. L'employeur ne peut exiger d'un salarié qu'il soit couvert par une vaccination pour la simple et bonne raison que cette vaccination donc, contre le Covid, elle est recommandée et non obligatoire. Pour cette raison-là, on ne peut pas exiger d'un salarié qu'il justifie d'une vaccination. On ne peut pas non plus être destinataire donc, des informations concernant même si elles proviennent du salarié. Concernant sa vaccination ou non, tout simplement parce que une telle information ne serait pas en conformité avec les règles du RGPD, le traitement ne serait pas justifié, la collecte des données ne serait pas non plus justifiée, et sachant que les données médicales font l'objet d'un traitement et d'un régime à part dans le RGPD. Tout à fait. En revanche, au niveau de la vaccination, l'employeur, et ça c'est bien rappelé dans le protocole sanitaire, on incite vraiment les employeurs à encourager vivement les salariés à aller se faire vacciner, mais encourager vivement ne veut pas dire obliger, se rapprocher éventuellement des médecines du travail qui, je le rappelle, pratiquent la vaccination. Et selon Alors, les dernières déclarations, donc, la médecine du travail va recevoir des doses donc, de Pfizer et Moderna, ce qui devrait accélérer encore plus la vaccination entre guillemets d'entreprise, en tout cas tout auprès à fait. des services de santé au travail. Et il est précisé également dans le protocole que si vous vous faites vacciner via la médecine du travail, vous pouvez tout à fait le faire sur votre temps de travail. Ça ne doit pas être décompté, vous ne devez pas poser de congé. Tout à fait. Alors, une question que nous a envoyée un employeur qui a envie un petit peu de pouvoir adapter en fait la vie dans son entreprise au niveau des protocoles, enfin du protocole sanitaire, et qui aimerait connaître le taux de salariés vaccinés dans son entreprise. Vous me confirmez que ce n'est pas possible? Non. Non, non, pour Voilà. la simple et bonne raison que ce n'est pas un traitement qui est autorisé donc pour l'entreprise et ce sont des données qui sont couvertes par le secret médical notamment. En revanche, enfin pour ceux qui nous écoutent, sur le site Covid Tracker, il y a également toute une partie du site qui présente le suivi de la vaccination. Vous pouvez avoir un suivi de la vaccination département par département et même par tranche d'âge dans votre département, ce qui pourrait vous donner quand même quelques indications sur le suivi vaccinal éventuellement, en tout cas dans votre région. Alors, simplement pour finir, Madame Vigor, si vous permettez, ce qui n'empêche pas l'employeur de pouvoir identifier donc les salariés qui présentent des symptômes et de les mettre en isolement et de leur conseiller donc d'aller Oui. voir un médecin, de consulter un médecin, bien évidemment. Oui, tout à fait. Tout ce qui est protocole de prise en charge d'un salarié avec des symptômes, protocoles qui normalement ont été rédigés depuis le premier déconfinement l'année dernière. Tous ces textes qui ont été rédigés dans l'entreprise continuent de produire leurs effets. Alors juste pour conclure, avant cette webconférence, Jury Travail a réalisé un sondage sur LinkedIn pour savoir si le retour des salariés en entreprise avait été préparé ou non. Et nous avons été assez surpris de constater que pour 32% des répondants, la réponse était non. Et c'est ce qui m'a motivée à terminer cette webconférence en évoquant donc rapidement l'étude que la DARES a publiée en fin de semaine dernière, enfin, c'est une étude qui est particulièrement intéressante, car elle nous renseigne, pardon, sur l'ampleur et les facteurs de contamination en entreprise. Elle a été réalisée entre les mois de janvier et mars 2021. Donc, il faut savoir que seulement 18% des salariés ont contracté la COVID-19, d'où vraiment l'importance de conserver les gestes barrières dans nos entreprises. Et 28% des personnes ayant été infectées par la COVID attribuent leur contamination à leur lieu de travail. Donc, le travail constitue le troisième facteur de contamination après le foyer et les réunions familiales. Donc, nous avons tous un rôle énorme à jouer au niveau pardon, je cherche mes mots, enfin pour réguler La la circulation, circulation du exactement. virus dans notre pays. Cette étude montre également que le principal facteur de contamination, c'est l'absence de distanciation sociale dans les entreprises. C'est vraiment la mesure barrière qui pêche le plus. Très loin après le non-port du masque ou le non-lavage de mains. Et entre autres, elle pointe une situation assez particulière. C'est le travail dans un environnement bruyant. Les gens sont en effet amenés à se rapprocher puisqu'ils ne s'entendent pas à 2 ou 3 mètres l'un de l'autre. Elle nous livre également des informations sur les professionnels, les familles professionnelles les plus touchées. Donc, bien évidemment, sans surprise, malheureusement, les professionnels de santé arrivent en tête, suivis de près par les professions de sécurité, donc la police, la gendarmerie, les pompiers, qui ont souvent été amenés à secourir les personnes atteintes. Et viennent ensuite donc les professionnels de l'action sociale et les enseignants. Enfin, et ça c'est un chiffre qui m'avait vraiment énormément interpellée, un tiers des employés de caisse ou des employés de livre-service en magasin attribuent leur contamination au travail. Donc c'est très largement au-dessus de la norme concernant tous les travailleurs. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir tous ces points de vigilance à l'esprit. Ça nous permettra sans doute de pouvoir revivre un petit peu plus si nous sommes tous vigilants. On a tous hâte de voir ce virus avec les cohortes de mesures contraignantes qu'il nous a apportées. Donc voilà, j'espère que cette webconférence vous a plu. On termine avec 3 petites minutes de retard, je m'en excuse. J'espère que vous aurez obtenu bon nombre de réponses à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Flissy pour toute question d'ordre juridique. Il vous donnera de précieux conseils. J'invite également les élus à nous rejoindre sur les 2 groupes privés qui sont prévus pour eux sur Facebook et sur LinkedIn, où nous pourrons continuer les échanges. Donc merci encore, Maître Flissy, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis au revoir et à bientôt. Tout le plaisir était pour moi. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci, oui, je suis sûre. Il y a des remerciements qui commencent à arriver. Bon. Donc, je vous donne rendez-vous également à notre prochaine webconférence qui aura lieu le 17 juin sur un sujet radicalement différent, puisque là, nous allons traiter de la gestion des différents types de ruptures de contrat. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir, prenez soin de vous et à bientôt, je l'espère. Au revoir. Au revoir. Merci.